Et je passe la parole. Tu présentes Carla. Carla qui va... Dune. Dune, elle veut chanter. Attends. On joue pas là. On répète. Hello, les amis. C'est Dune. Yes. On va passer un moment ensemble. Yes. Pouvoir... Si vous me regardez, ça va pas du tout. J'aurais dû prendre mes lunettes noires. Ouais, voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme au bled. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Au bled, nous, on dit 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon, je suis là, je suis plus là. On commence la première, c'est chaud quand même. Bon, écoutez. Jason. Est-ce que tu peux présenter Jason? Tu dis voilà, après moi. Yo. Brrr. Brimaika. Again. Parce qu'on n'a pas le choix. Je suis avec mon soldat Jason. On a mangé la forêt amazonienne. Elle est juste en face de nous. Jason déroule. Comment tu t'appelles l'animateur en carton? Martin. Martin. Cartonman. Moi, je suis Batman. Enchanté. Là, il y a mon ami Yo-Yo. Yo-Yo qui dit do-yo-yo. Do-yo-yo. Parce que pas Juju, pas de do. Je suis Sophie. Chanté Sophie. Il y a un micro là pour vous. Hein. Sophie. Ah mais là t'as coupé le mien. Eh oui. Vous coupez aussi. Savoir ce que vous faites là. Faites du ouais. Matos là. Tout le monde a le droit au micro je crois. Mais non mais c'est bon. Allô. Voilà, ça va prendre. Et tu peux donner un mini-jack. Fais attention avec ça. Il y a le mini-jack qui est là. C'est à toi? Tu peux laisser là parce que là ça fait tourner. Merci, mon gars. Ça marche? Non, ça marche, ça va. Eh non, c'est pas la même fiche. Merci, Apple. Attends. Sésame. Je vais l'ouvrir. Tu veux mettre un mini-jack? Il n'y a pas de mini-jack. Comment vous dire? T'es sûr? Oui. On a peine mini jack là non? Sortez. Là, il est là mais c'est Apple, tu sais c'est pas les. Ah non moi j'en ai vu Apple. Ben, tu peux mettre sur. Vas-y, un peu. Attends. Comment c'est le petit raisin de printemps? Attends. Non, mais ça, il va être un petit morceau. Ici, c'est marqué. Bon, sinon, tu peux donner la. Ils sont revenus, est-ce qu'on peut mettre. Mais là, le problème, c'est que là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de connecteur mini jack. Je vais mettre. C'est un mini jack. Un mini jack, là? Voilà, ça va être beaucoup mieux là. Avec mon chat, je vais pour le lancer. Le chat. C'est le chat. J'écoute du latino si j'ai envie. Latino. Okay.